Section 6. De l'homme de fer par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 11, 12. Chapitre 11, où le faucon de Dame Joseph montre qu'on peut faillir à tout âge. Le nain fier à bras courut ainsi jusqu'au camp du Cal, où Jeannin l'attendait avec impatience. En quelques mots, il raconta au bon écuyer ses surprenantes aventures. Puis il ajouta « Maintenant, mon oncle, commences-tu à croire que tu seras chevalier ?» Jeannin ne voyait aucune espèce de rapport entre les projets de Louis XI et sa propre élévation. Que Fierabras eût surpris caché dans une pièce d'argenterie l'entretien du roi de France et de l'homme de fer, c'était bien, assurément. Mais de là aux éperons d'or chaussés par lui, Jeannin, il y avait de la marge. « Ah, mon oncle !» s'écria le nain en colère, « ce ne sont pas les braves gens comme toi qui inventent la poudre. Si je n'étais pas là, par la grâce de Dieu, ta fille mourrait. « Ouvre tes deux oreilles, » reprit-il d'un accent impérieux, « et si tu ne comprends point, tâche au moins de te souvenir. Tout à l'heure, quand j'aurai achevé mon rapport au duc, notre seigneur, avance hardiment au milieu du cercle des barons et dit ses propres paroles, « Je suis l'écuyer Jeannin que le maudit a dessein d'épargner. » Que mon seigneur prenne mon armure et mon cheval, il ne courra aucun danger. Faut-il répéter ? Non, je sais ma leçon, mais qu'en arrivera-t-il ? Le roi d'Épreux, répondit Fierabras, le fier Roland, n'aurait peut-être point consenti à cela, mais François de Bretagne n'y regardera pas de si près. En ce moment, la Hennec, le sergent d'armes, qui avait été dépêché au conseil, revint apportant l'ordre d'introduire l'écuyer et le nain. Ce fut malheureux. Une demi-heure de plus, et le bon Jeannin commençait à comprendre. Le duc but en voyant entrer Jeannin et son petit compagnon. Après avoir bu, il ordonna à l'écuyer de s'expliquer. Fierabras prit alors la parole et le duc rebut. Fierabras parlait bien. Le récit qu'il fit de son aventure dans la tente du roi, récit qui l'enjoliva peut-être un peu, intéressa au plus haut degré le noble auditoire. En l'écoutant, le duc emplissait et vidait son verre avec un sincère plaisir. « Quedquen, dit-il, quand le nain eut fini, tu me donneras cette créature. »« Elle est à vous, monseigneur, » répartit le sire de Quedquen. « Bien ça, Nasbot, » s'écria le duc enchanté, « je t'appellerai Nasbot, en souvenir de la salière. Verse-moi à boire. Ah ah, l'homme de fer a promis qu'il me conduirait au mont pieds et poings liés. »« Oui, monseigneur. » Et pour vous dévoiler cette trame, je manque ma fortune. » Ici, l'histoire des 18 250 tourtes d'Ardevon qui eut un succès de délire. Le duc but trois rasades coup sur coup pour témoigner, comme il faut, son contentement. « Messieurs, dit-il, le roi Louis n'a oublié qu'une chose, c'est de nous convoquer à sa passe d'armes. » Comme il prononçait ce dernier mot, il se fit un grand bruit au dehors. Les trompettes sonnèrent, le duc pâlit un peu et vida son gobelet d'un air chagrin. La Hennec souleva de nouveau la draperie de la tente et introduisit en grande cérémonie un homme vêtu de ce manteau fleur-de-lysée que le roi de France et les rois d'armes avaient seuls le droit de porter. Celui-ci était Montjoie, le roi d'armes. Il venait convier le duc de Bretagne aux joutes et tournois qui devaient avoir lieu ce jour-là même, grève de la Rive, entre le mont Saint-Michel et la terre ferme. Le duc tendit son verre à Fierabras quand le héros fut parti. « Monseigneur a refusé le collier de Saint-Michel, » dit M. Tanguy. « Monseigneur peut bien décliner l'assignation du roi qui vient tardivement, ce me semble. »« Es-tu déjà français pour ce qu'on veut te donner l'ordre de Saint-Michel, mon cousin Tanguy ?» demanda François entre deux gorgées. Tanguy du Chastel se redressa, mais ne répliqua point. Il y eut un murmure parmi les barons de Bretagne, qui tous vénéraient cette vaillante barbe grise. Dunois s'écria, « Nous irons par Notre-Dame, n'est-ce pas, monseigneur ? Mais nous irons en armes et en force. »« Nous irons, » répliqua le duc François, qui repoussa d'une main son verre et tendit l'autre à M. Tanguy. « Mon cousin, je n'ai point voulu vous offenser. » Fierabras fit signe à Jeannin. Jeannin s'avança au milieu du cercle. « Monseigneur, dit-il, répétant laborieusement la leçon que le nain lui avait faite, « je suis l'écuyer de Kergariou, que le maudit a dessein d'épargner. Que monseigneur prenne mes armes et mon cheval, il ira aux joutes sans courir aucun danger. » Il y eut un grand silence dans la tente du duc de Bretagne. Tous les barons baissèrent les yeux, comme s'ils eussent craint de s'entre-regarder. Le rouge monta au visage de Dunois. Le duc François, au contraire, malgré de nombreuses rasades, avait au front une nuance de pâleur. « Notre seigneur n'a point d'héritier en son palais de Nantes, » dit M. Tanguy d'une voix lente et grave. « Mon avis est que notre seigneur accepte l'offre de ce brave homme. » « Serais-je donc le premier duc de Bretagne ? » murmura François, qui ait pris un déguisement pour aller à l'ennemi. « En cas de trahison, » répliqua Tanguy, « nous nous rangeons autour de vous et vous aurez une épée. » Personne autre n'opina. Dunois frémissait. Le duc dit « Que Dieu me prête l'occasion, je montrerai à tous ceux qui sont là si je suis un petit chevalier. Ce que je fais est pour la Bretagne, dont le peuple est à ma garde. Brave homme, je porterai tes armes et je monterai ton cheval. » Après quoi, dit Fierabras, qui remplit de lui-même la coupe de François, « ce seront armes et montures de chevalier. » Le duc avait fait dessein de ne plus boire. Cependant, il but, sachant lui gré de l'intention. « Messire, dit-il, préparez-vous et à cheval. »« Hein ? » s'écria Fierabras en s'élançant vers Jeannin. « Me voici une chanson d'un prince. Et toi, te voilà chevalier. Comprends-tu maintenant ?»« Je comprends. » répondit Jeannin sans sourciller, qu'avant la fin du jour, j'aurai quelques bons coups de dague. C'est mon métier. Petit homme, tu as fait pour le mieux, et je te remercie. Il y avait du temps déjà qu'on parlait de ces joutes. Au XVe siècle, la publicité ne se faisait pas aussi facilement ni de la même façon qu'aujourd'hui, mais elle se faisait. Une chose dont on n'a point abusé garde tout son crédit. La publicité, toute faible et naïve qu'elle était, courait le monde en boitant, et le monde trouvait encore qu'elle allait bien vite, car il lui prêtait des ailes en l'appelant la renommée. Donc la renommée avait porté partout la nouvelle de ces fêtes promises par le roi Louis XI. Les bonnes gens de Bretagne et de Normandie ne savaient pas au juste comment se crée un ordre de chevalerie. On leur avait parlé d'une passe d'armes mémorable. Ils pensaient que l'ordre de Saint-Michel serait institué en plein champ, ou plutôt en pleine grève, et que chacun pourrait voir. C'est ici la grande question que chacun puisse voir. À la vérité, la condition n'est jamais remplie, et dans toute solennité, les 9/10 des curieux restent à la porte, mais ceux-là même qui sont restés en dehors toute leur vie espèrent entrer une fois avant de mourir. Ce devait être un spectacle d'élite qu'une joute où tant de princes et tant de hauts barons recevraient leur collier d'or de la main du roi. On disait en outre merveille du costume de la frérie, manteau de damas blanc brodé d'or, semé de coquilles et fourré d'hermine de bout en bout, chaperon de velours cramoisi à longue cornette pour être mis sur la tête ou pendre sur le cou, chausse perlée, pourpoint de camelot de soie blanche, à bord courant de coquilles brodées. Les officiers de l'ordre, infirmels et bien informés, marchaient en robe de camelot de soie blanche, pareillement brodée et en chaperon d'écarlate. Pour le roi, la robe de moire écarlate avec le chaperon noir. Et les dames, on allait voir sans doute la duchesse d'Étampes et la petite madame Anne de Beaujeu, fille de France, la dame de Montsoreau, qui suivait partout le duc de Guyenne, et les princesses, et peut-être la reine. Jugez, on était venu de 10 lieues à la ronde pour contempler la grenouille tirée sur le pont du Couesnon. Jugez, on pouvait venir de 20 lieues et aussi de 30 pour assister à cette non pareille cérémonie. Une chose notable entre toutes, c'était l'emplacement même choisi pour les lys. Ce roi Louis XI ne faisait en vérité rien comme les autres. À droite de l'embouchure du Couesnon, entre la rive normande et le mont Saint-Michel, il y avait, au milieu d'un marécage marneux que la mer couvrait en marée, une plage dite la Grève Saint-Sulpice. Formée de beaux sables jaunes et fins comme de la poudre d'or, on aurait jusqu'au soir pour s'ébattre en ce lieu, après quoi le flux, grossi par les influences lunaires, allait couvrir les lys et jeter son niveau par-dessus les estrades tendues de velours. Une passe d'armes en grève, des joutes qui devaient avoir l'immensité pour arène, un tournoi qui, après une heure écoulée, eût pu se changer en combat naval. Aussi, pour en revenir à la grenouille, qui est un des faits majeurs de notre récit, elle s'était tirée dès le matin mollement et par manière d'acquis. On n'avait cassé qu'une paire de bras sur le pont du Couesnon, de méchants bras qui s'étaient disloqués sans gloire, et au premier tirage des bras de beurre, suivant l'expression favorite de Marcoux. Le règne de la grenouille était passé. Il faut n'avoir rien de mieux à faire pour se divertir à ce jeu de la grenouille. À bas la grenouille! Et vite, démolissez les baraques! charger les planches vermoulues sur les chariots de misère. Il s'agit bien de Rollon tête d'âne et de l'enlèvement des Sabines. À peine donne-t-on un regard au tas de cendres qui marque le tombeau du père Rémy. Toutes ces choses sont d'hier, elles ont 100 ans. Les joutes, la grève, les armures damasquinées, les manteaux fourrés d'hermine, les colliers d'or, les dames, les chevaliers. Il fallait voir la foule descendre des deux côtés du Couesnon par groupes échelonnés et pressés, les paysans et les bourgeois en caravane, le plus grand nombre à pied, quelques-uns juchés, 2 à 2 et même 3 par 3, sur des chevaux de labour. Ici, toute une métairie dans une charrette. Là, sur un petit âne, un grand coquin de pâteau dont les sabots ferrés touchent terre, des fillettes portées à la guerdindelle entre 2 coqs de village. La guerdindelle se nomme en d'autres pays la selle au roi. Plus loin, de lourds garçons voûtant leurs épaules trapues et marchant bras dessous en chantant la ronde des allants. Partout, des ménagères attelées aux paniers de provisions, partout des enfants joufflus à cheval sur le cou de leur père. Mathurin Sandant et Gothon, sa femme, étaient ce matin en belle humeur. Gothon avait un mouchoir autour de la joue pour un maître coup de poing que son Mathurin lui avait gonflé la veille au soir. C'était un gage de réconciliation. Il cheminait riant et se gourmant de bonne amitié comme au temps de leur lune de miel. Jouanne, la petite gardeuse d'oie, et le patour du presbytère de la Gouenère redonnaient à la face de tous de frappantes preuves d'affection. Jouanne avait déchiré le vestaquin de son patour. Le patour avait roulé sa Jouanne dans la boue. Idylle bretonne, chères et gracieuses tendresses des enfants de la nature. Puis c'étaient les compagnies nobles, arrivant de Pont-Orson et des châteaux voisins. Gentilshommes et belles dames, pâles froids et acnés. La plus nombreuse et la plus brillante de ces compagnies était sortie de l'hôtel du Déron, après avoir vu du haut de la terrasse l'escorte royale et l'escorte ducale partir de leur campement respectif. Une troisième escorte, celle du seigneur des îles, avait pris quelques instants auparavant le chemin des grèves. C'était beau. Les bannières se balançaient à la brise molle, l'acier des armures dispersait au loin les gerbes d'étincelles, l'écho des fanfares arrivait tantôt enflé par le vent, tantôt brisé comme mourant. « Bête, mamie, » disait Dame Joseph de la Croix-Mauduit à sa suivante, qui chevauchait sur une bête à longues pattes, dont le cou planté droit supportait une tête piteuse. « Bête, voici l'occasion de montrer que nous sommes gens hors du commun et d'honorable maison. Ne regardez ni à droite ni à gauche. La curiosité vaine est le fait du menu peuple. Réglez le pas de votre acné sur l'allure de la mienne, qui sait comment on se conduit en pareille occurrence, puisqu'elle assista aux fêtes du couronnement du duc Pierre. Si vous avez des yeux, vous établirez aisément la différence qui existe entre ma monture et celle des bourgeoises inconsidérées. Tenez la tête haute, bête, et si vous entendez autour de vous des pages ou des hommes d'armes jasant, fermez l'oreille, car on ne gagne rien à ouïr de pareils entretiens. Je veux vous dire en outre, bête, mamie, elle s'interrompit, et son maigre visage exprima tout à coup une profonde consternation. Elle regarda avec des yeux agrandis par l'horreur son gant de peau de daim brodé de soie verte, où le vieux faucon était perché comme toujours. Le gant venait de subir un dommage dont le vieux faucon était l'auteur. « Voilà 11 ans vienne la Noël, » dit Dame Joseph d'une voix altérée, « que j'acquis cet oiseau de la fauconnerie de Pierre-Marie Thuot, rue au Foulon, à Rennes. Il avait alors 2 mois et mangeait seul. Je n'aurais jamais cru capable d'une action aussi indécente, car il ne m'avait donné jusqu'à ce jour que du contentement. Faites approcher Maître Bibrel, mon écuyer. » Le coupable faucon ne manifestait aucun remords. Il continuait de dormir, perché sur le point déshonoré de la douairière. « Maître Bibrel, » reprit celle-ci d'un ton sévère, en s'adressant à son écuyer, « vous fûtes chargé par moi d'éduquer et d'instruire ce gerfaut. C'est à vous que je dois dénoncer sa conduite. Quelle éducation, sinon l'art de régler et modérer les défaillances de la nature? Ce que mon faucon vient d'accomplir ici devait être fait ce matin au perchoir. En principe, cela n'a rien de répréhensible, mais par le temps et le lieu, l'action devient blâmable. Prenez l'oiseau, maître Bibrel, pendant que Bête va me tirer mon gant et me le nettoyer, autant qu'on peut le faire en voyage. Comme toute faute mérite châtiment, « appliquez au cher faux une 12 douzaine de croquignoles ou chiquenaudes à la naissance de l'aile, sans le blesser ni maltraiter trop cruellement. L'instinct des animaux leur apprend le motif des punitions qu'on leur inflige. Je souffre de l'ordre sévère que je vous donne, attendu que j'ai le cœur sensible, n'aimant avoir peiné aucune créature de Dieu. Mais, agissant comme je fais, je crois remplir mon devoir. » Maître Bibrel corrigea le faucon, qui hérissa ses plumes, étonné qu'il était de recevoir le fouet pour une action si naturelle, et Bête nettoya le gant tant bien que mal. « Je voudrais, reprit la douairière, que ma nièce Berthe fût ici, près de moi, pour juger comme on doit faire en certaines circonstances fortuites. Ainsi vient l'expérience. » Mais Berthe chevauche entre son cousin Aubry de Kergariou, qui est un beau jouvenceau. Ne le trouvez-vous pas, Bête, et messire Olivier, lequel nous contait hier de surprenantes légendes. Il me semble que je vois encore auprès d'elle cette fillette, pour qui elle s'est prise d'une affection inconsidérée. Ma nièce a veillé tard cette nuit. À son âge, je n'aimais que mes colombes et que mes passereaux apprivoisés. Mais il n'y a plus de jeunesse au temps où nous vivons, et facilement pouvons-nous prévoir que la fin du monde approche. » On lui rendit son gant, puis son faucon. Elle dit à ce dernier, sans se fâcher, « Une seconde faute du même genre appellerait un châtiment double. À la troisième récidive, je donnerai ma faveur à un autre gerfaut. Tiens-toi donc pour averti, et comporte-toi désormais comme il convient à la position que tu occupes auprès de moi. Je te pardonne. » « Je vous le demande, » reprit-elle avec une certaine émotion, en s'adressant au vieil écuyer et à la vieille suivante, « si le gerfaut avait agi de la sorte quand nous allons paraître devant les têtes couronnées, si au milieu d'une révérence de dignité première. » Elle n'acheva pas, tant la pensée d'un pareil opprobre l'agitait violemment. Dame Joseph était séparée de sa nièce par toute l'épaisseur de la cavalcade dont elle formait l'arrière-garde. Immédiatement devant elle marchait Madame Reine, escortée de ses deux hommes d'armes et formant groupe avec la famille du sire du Déron. Ce n'est pas notre faute si la figure de Madame Reine s'efface de plus en plus à mesure que s'avance notre récit. Elle était là cependant à quelques pas du théâtre de ses anciens exploits, tout près des grèves où elle avait bravé jadis les hommes d'armes et la mer. Mais si vous l'aviez vue presque aussi roide sur sa cnée que Dame Joseph elle-même, que dire d'une femme qui n'est plus fée des grèves et qui ne tient pas encore cour plénière pour juger les actions perverses d'un faucon. Elle avait laissé son trousseau de clés au manoir du Rose, elle savait Jeannin absent pour le service ducal, elle connaissait la résolution prise par Jeannine d'entrer au couvent. Elle n'avait même plus cette physionomie que donne l'inquiétude maternelle. Un mois de ce repos, et Madame Reine prenait l'embonpoint des veuves qui ont assez pleuré. À quoi pensait-elle? Certes, on ne peut répondre à rien. Elle pensait à Aubry, son bien-aimé fils, qui allait peut-être coucher la lance au tournoi. Que n'avait-il l'adresse et la vigueur de Jeannin, ou la grâce suprême de messire Olivier? Qu'était-ce ce messire Olivier? Un problème. On se fût occupé d'Aubry davantage, si Aubry eût été un problème. Madame Reine désirait que l'on s'occupât d'Aubry. Qui donc lui avait dit que Jeannin serait peut-être chevalier? Au cas où Jeannin fût devenu chevalier, certes, certes, Madame Reine pensait, elle pensait beaucoup. Il y avait deux bœufs à tuer au manoir du Rose, l'un plus gras, l'autre qui boitait. Bœuf qui boite est comme poire-blette, il faut se hâter. Cette année, les redevances étaient en retard. Faudrait-il une dot à Jeannine pour la cloîtrer? Madame Reine n'était point avare, l'argent nécessaire on le trouverait. Mais que de dépenses, Jésus! Quand allait venir la noce de messire Aubry avec Berthe de Morvert? Et la guerre, on en parlait. Le domaine de l'aumône était bien exposé. Ces biens qui sont aux frontières, c'est une mine de soucis. Pour les présents de noces, on pouvait vendre la tenance de Saint-Jean ou emprunter sur les biens de Kergariou en Saint-Brieuc. Chevalier, ce Jeannin, comment le remplacer? Au retour, mandait les maçons pour la muraille de l'écurie qui se lézardait. Tous usent. Et voir à la cave, parce que le sommelier était à caution. Ce Jeannin, chevalier? Vous voyez bien que Madame Reine pensait. Quand ses voisins lui parlaient, elle répondait en outre fort sensément, mais si quelqu'un plaisantait par hasard, elle devenait triste. Pour la faire sourire, il lui fallut le carillon doux et cher de ses clés. Dame Joseph était trop loin de nos jeunes gens. Elle avait mal vu. Berthe n'était point entre Olivier et Aubry. Elle chevauchait auprès de Jeannine. Aubry et Olivier causaient ensemble. Aubry était soucieux. « Ce devait être un rêve, » dit-il à voix basse et en regardant tout autour de lui pour voir si personne n'était à portée de l'entendre. Ce n'était point un rêve, répliqua messire Olivier. Vous avez vu seulement ce qui était hors de la portée de vos yeux, comme on fait avec ces tubes d'invention nouvelle qui servent à la science astronomique. Pour vous, la mer et les grèves ne s'étaient-elles jamais changées en magiques miroirs reflétant des merveilles inconnues? J'avais vu le mont dans les tangues à l'heure où la brume lutte contre les premiers rayons du soleil, le mont renversé et plongeant la statue de son archange au plus profond des sables. Mais ces tableaux mobiles, ces magnificences impossibles, cette féerie qui semble inventée par le délire, enfin, tout ce qui a frappé mes yeux éblouis, qu'était-ce? Et Lyon, prononça messire Olivier, le mirage n'a fait que rapprocher de vous la ville des merveilles. Berthe et Jeannine allaient silencieuses. Jeannine avait les habits d'une bourgeoise, ce qui était trop beau pour elle, au dire de la grosse Javotte, son ennemie. Berthe portait ses plus nobles atours. C'était Javotte qui avait agrafé son corsage et natté ses cheveux blonds. Parmi les damoiselles appelées à faire l'ornement des joutes, Javotte défiait bien quiconque d'en trouver une mieux accommodée et coiffée que Berthe de Morvert. Les deux jeunes filles ne s'étaient point parlé depuis l'heure du lever. Quand on s'était mis en route, Berthe avait fait signe à Jeannine d'approcher. C'était tout. Jeannine était pensive et triste. Elle évitait les regards d'Aubry qui constamment cherchaient les siens. Elle ne s'apercevait même pas que l'œil de messire Olivier se fixait à chaque instant sur elle. Berthe avait le hennin des filles nobles, et du haut de cette coiffure un long voile tombait. Quand le vent soulevait les plis du voile, on voyait Berthe pâle et changée, perdant son regard fixe dans le vide. Il y avait dans ses yeux une sorte d'égarement. Elle cherchait Aubry comme Aubry cherchait Jeannine. Quand elle rencontrait la flamboyante prunelle du baron d'Armois, tout son être semblait éprouver une souffrance. Ceux que la cavalcade dépassait disaient « Voilà deux belles jeunes filles qui ont trop fatigué cette nuit à la fête du Déron. Trop de fatigue en une fête, cela veut dire trop de joie. » « Jeannine, dit enfin Berthe, dont la voix tremblait, il n'a de regard que pour toi, et je me sens condamnée. « Vous avez voulu que je vous accompagne, demoiselle, répliqua Jeannine. Moi, je ne le voulais point. Il me fallait connaître mon sort, ma fille. Votre sort est d'avoir la foi d'un chevalier, demoiselle. Aubry vous aimera. » Quand tu ne seras plus là, n'est-ce pas, Jeannine? Eh bien, cette affection humiliante dont je n'aurais pas voulu hier, aujourd'hui je l'accepterai, car j'ai peur. » Elle prit la main de Jeannine et la serra fortement. La route tournait. Le cheval du baron d'Armois s'était trouvé un instant auprès de celui de Berthe, et la voix d'Olivier avait murmuré tout contre l'oreille de la noble fille, « Si je veux, il vous aimera. » Chapitre 12. Avant la passe d'armes. « Si je veux, il vous aimera. » Berthe serra la main de Jeannine, mais elle ne lui dit point ce qu'elle avait entendu. Il se fit un grand mouvement dans la foule. Des cris s'élevèrent de toutes parts. Sur la gauche, le cortège ducal passait au trot des chevaux de bataille. Sur la droite, le roi et ses chevaliers descendaient au pas en solennelle cérémonie. Les Bretons inclinèrent la lance, comme c'était leur devoir, et prirent les devants aux acclamations de la cohue. Presque aussitôt après, un nuage de poussière annonça l'approche d'un troisième cortège. Celui-ci était composé d'hommes aux cuirasses brunies. Ils allaient au galop. Au-dessus de leur escadron serré, la bannière rouge et or du comte Otto Beringhem flottait. Messire Aubry, dit Olivier, au moment où sortaient du nuage les armures des chevaliers de Chauzet, avez-vous confiance en moi? Pourquoi cette question, messire? Parce que j'ai pour vous l'affection d'un frère aîné. Je veux vous faire heureux en gloire comme en amour. » Grand merci, commença Aubry avec la suffisance rogue de ses 18 ans. Il ne se souvenait point des coups de gaule de la quintaine. « J'ai besoin de rejoindre présentement le cortège du roi, » reprit le baron. « Veuillez m'écouter avec attention. Quand vont s'ouvrir les joutes, vous ne me reconnaîtrez point sous mon armure, et nous serons sans doute en deux camps opposés, vous, Bretons, moi, suivant la cour de France. En mes voyages lointains, j'ai vu beaucoup et j'ai acquis un peu. Je possède deux lances, dont le choc est irrésistible. En voulez-vous une ? » Aubry était brave autant que vaniteux. Au premier moment, la bravoure et la vanité furent d'accord en lui pour refuser. Mais son regard tomba sur Jeannine. Jeannine l'avait vu si souvent trébucher sous le bâton de l'Anglais, et si souvent il avait dit « Quand j'aurai un adversaire de chair et d'os à la place de ce coquin de bois, les choses iront autrement. » Jeannine allait être là. Quel crève-cœur de tomber vaincu devant Jeannine. « Serez-vous discret ? » demanda Aubry en rougissant. sur l'honneur, répondit messire Olivier. La vanité l'emportait. Aubry consentit à emprunter la lance irrésistible. L'escadron des chevaliers des îles n'était plus qu'à une centaine de pas. « Hélion, Hélion !» criait-il en fendant la cohue. Dans la lice, reprit messire Olivier, un écuyer s'approchera de vous et vous remettra la lance. Avec elle, vous gagnerez la couronne. Un dernier mot, cette lance ne peut rien contre le seigneur des îles, que vous reconnaîtrez à la banderole portant ces mots, à la plus belle. Les chevaliers de Chauzet passaient. Dans le mouvement qui se fit, messire Olivier disparut. Berthe laissa échapper un cri. Avant de disparaître, messire Olivier avait glissé à son oreille ces mots qui pour elle complétaient les paroles déjà prononcées « Je suis le maître des enchantements ». Berthe chancela sur sa selle. Naguère, cet homme avait enivré Aubry avec une goutte de liqueur contenue dans sa gourde. Ici, il n'eut besoin que d'une parole. « Ne me quitte pas, » dit Berthe à Jeannine. « Regarde-moi. Voit-on la folie dans mes yeux? Je crois que Dieu m'abandonne. Montjoie, Saint-Denis. » La grève immense se montrait derrière les haies de Troène blanc. On allait dépasser la ligne des derniers champs, plantés de pommiers moussus. La mer montait dans les nuages, à l'horizon, et sur la droite, le mont Saint-Michel, inondé de lumière, se dressait sur son roc, au-devant de la ville d'Avranches. C'était là une arène. Cancal était témoin de l'autre côté de la baie. Cherhuex, le Rose, Saint-Jean, les quatre salines, le mont et Tombelaine. Et la rive, et Avranches, et Genêt, et toute la côte normande. Rien ne bornait le regard. Les vaisseaux qui cinglaient au large pouvaient contempler les joutes. Ô pudeur, nous qui avions ces grands tableaux à peindre, nous avons décrit la grenouille. Au lieu de la fresque monumentale, notre pinceau, qui est un charbon, a croqué une pochade. Dieu merci, il est temps encore. Écrasons la Créville sous notre talon indigné, trempons la brosse dans de nobles couleurs. Arrière, Marcou, Gabillou, arrière, Marose et Pateau, croquants et manants, arrière, on ne vous connaît plus. Dame Joseph de la Croix Mauduit, voilà une digne silhouette. Le portrait de cette douairière nous fera pardonner, ayons-en l'espoir, bien des Mathurins et bien des Gothons. Dame Joseph avait mis son cheval au pas de l'escorte du roi. Elle guettait l'occasion de lancer à propos au souverain trois ou quatre révérences de dignité première. Car, expliquait-elle à Bette, sa suivante, on peut diviser les honneurs en simples courtoisies et en hommages effectifs. Les courtoisies n'engagent point, et je soutiendrai contre quiconque prétendra faussement le contraire que, ce faisant, je ne manquerai en rien à mes devoirs envers Monseigneur François, duc de Bretagne. L'escorte du roi avait le tort de n'accorder aucune espèce d'attention à Dame Joseph de la Croix Mauduit. L'escorte du roi se tenait un peu à l'écart de la foule. Le roi marchait au centre de sa garde écossaise, on ne le voyait point. Le champ clos, préparé à grand renfort de madriers et de poutres, était situé à 400 ou 500 pas des dernières haies, en grève même. Du champ clos à la rive, c'était une pente douce, couverte de galets et formant amphithéâtre. À l'opposite, au contraire, le plan de la grève cédait légèrement et n'eût point permis aux spectateurs de se placer avec avantage. Aussi la foule se massait-elle déjà sur les galets, entre l'arène tracée et la terre ferme. Il y avait à cela un autre motif que la commodité. L'estrade royale et les amphithéâtres étaient établis du côté de la mer, en dehors. Le spectacle curieux était là principalement. Il pouvait être 10 heures du matin. Tout annonçait une magnifique journée d'été. La brise fraîche venait du large et guérissait des ardeurs du soleil caniculaire. La mer, calme et bleue, achevait son reflux à plus d'une lieue en deçà dans les grèves. Elle allait venir, on le savait bien, mais plus tard, et quand la fête des armes serait achevée. Cette menace du flux qui allait, dans son inflexible exactitude, chasser ensemble rois, ducs, chevaliers et bonnes gens, était un attrait de plus et donnait du prix à chacune des minutes de cette journée. Tandis que la foule augmentait sans cesse sur le galet, et partout où la grève offrait un semblant de pente, les estrades se garnissaient plus lentement. Au XVe siècle, on avait déjà fait cette remarque, à savoir que les gens pourvus de palefrois ou de acné sont toujours en retard sur le fretin qui va sur ses jambes. On se plaçait non sans discussion grave, car l'honneur était en jeu. Les bancs qui avoisinaient l'estrade royale échauffaient l'ambition de toutes les petites châtelaines conviées, faute de mieux, à la solennité. Il faut bien le dire, la partie féminine de l'assemblée n'était pas en rapport avec l'importance de la cérémonie. Le roi avait laissé la reine au château d'Amboise. La duchesse de Bretagne était à Nantes, les duchesses de Bourbon et de Guyenne restaient en leurs apanages. Sans la dame de Torcy, femme du sire d'Estouteville, la haute chevalerie n'eût point été représentée. La dame de Torcy, grasse et puissante normande, valait, il est vrai, pour le point, plusieurs reines et nombre de duchesses. Elle était de Caen, patrie de la belle chair, ferme et entrelardée. Elle était grande, rouge, robuste, elle faisait honneur à ses magnifiques pâturages, dont le Calvados est fier si justement. À part ce plantureux produit de la Neustrie fertile, on voyait près du trône deux dames voilées dont personne n'eût su dire les noms. Le duc de Guyenne vint leur rendre ses devoirs avant de prendre place parmi les chevaliers du nouvel ordre. Les personnes très bien informées des petits mystères du temps supposèrent que ces deux belles voilées étaient mesdames d'Étampes et de Montsoreau. À droite et à gauche du trône, un peu en arrière, 14 stalles étaient réservées aux chevaliers de Saint-Michel. Au-dessus s'élevait, sous le dais royal, l'estrade destinée à l'abbé, aux deux prieurs et aux principaux dignitaires du couvent. Devant le roi, 5 sièges étaient occupés par 2 archevêques. Là finissait le dais royal. Il y avait 3 autres dais, dont un pour les dames. Sous celui-là trônait la forte Estouteville, en compagnie d'autres châtelaines et damoiselles de bonne et obscure noblesse normande. Le second dais couvrait une estrade destinée au duc François de Bretagne et à sa suite. Cette estrade était vide. Sous le troisième dais se tenait la maison du roi. Les officiers du nouvel ordre, le chancelier, qui était un prélat, le greffier, le trésorier, le héros, qui avait nom Mont-Saint-Michel, occupaient le premier rang sous le dais de la maison du roi. La grande estrade royale était tendue de velours aux couleurs de France, ainsi que la quatrième. La seconde, où étaient les dames, avait une tenture écarlate rehaussée d'or. Celle du duc de Bretagne, drapée de velours plus sombre, avait des écussons en broderie d'hermine. Les choses étaient bien faites. Quant aux gradins communs qui occupaient tout le côté septentrional de la reine, on les avait tendus de serge, et c'était encore trop bon pour la mer qui allait passer dessus. Le côté méridional n'avait que 2 ou 3 rangs de bancs de bois posés sur le sol même. Encore fallait-il être Louis XI pour songer à asseoir Jacques Bonhomme, si mal que ce fût en ce temps-là. La reine était de forme elliptique très allongée. Il y avait 4 tentes, situées 2 par 2 aux extrémités de l'ellipse. L'une de ces tentes appartenait aux ordonnateurs du tournoi, les 3 autres aux champions. Dès le début, et même avant d'entrer dans les tentes, les champions se divisèrent en 2 camps bien distincts, séparés par toute la longueur d'hélice. Les Bretons tenaient l'extrémité occidentale, à l'est se tenaient les Français et les gens de Chauzet, non point réunis, mais rapprochés. Le roi a pu remarquer avec inquiétude que la suite de son frère et cousin bien-aimé François II était presque une armée. Les Bretons étaient plus nombreux que les 2 autres troupes mises ensemble. Ils se tenaient à cheval et en bon ordre, graves, silencieux, nous pourrions dire menaçants. Leur escadron serré semblait là pour une bataille et non pour un tournoi. À leur tête était le duc en personne. Du moins le chef portait le cimier de Bretagne. Les curieux allaient se dédommager de l'absence des dames. Un souverain en champ clos, cela ne se voyait point tous les jours. Ajoutons que la renommée ne représentait point François II sous ce chevaleresque et belliqueux aspect. On parlait de son hanap profond, non point de sa longue lance. Rien de beau comme ces fiers démentis donnés en face à la renommée. Les trompettes sonnèrent, la garde écossaise du roi Louis sortit de la première tente. Les 3/4 des archers, environ, vinrent se ranger sous le trône. Le reste demeura autour de la tente pour vaquer au service du camp. La cavalcade venue de l'hôtel du Déron avait pris place tout près de l'estrade ducale sur les gradins publics. Dame Joseph eût trouvé plus convenable qu'on la mît sous le dais, mais les officiers de la cérémonie n'avaient point été de son avis. Le dais attendait le duc. Le duc ne vint point. Durant toute la passe d'armes, le dais ne recouvrit que le velours de l'estrade. Dame Joseph obtint que Betz, suivante, et maître Bibrel, son écuyer, se tiendraient debout à ses côtés. On lui concéda licence d'avoir ses 2 vieux chiens sous ses pieds et son vieux faucon sur le poing. Le vieux faucon, rendu à de meilleurs sentiments, n'avait rien fait de nouveau depuis sa dernière inconvenance. Dame Joseph avait lieu d'espérer qu'il ne confondrait plus désormais son poing vénérable avec le perchoir. Auprès de maître Bibrel, debout, Berthe s'asseyait. Le sire du Déron était entre elle et Madame Reine. Jeannine avait trouvé place immédiatement au-dessous de Berthe, sur le dernier gradin qui bordait la reine. Au son de la trompette, un mouvement se fit dans les divers groupes d'hommes d'armes. Berthe toucha l'épaule de Jeannine. « Le voilà, » dit-elle. Jeannine l'avait déjà vu. Il était au second rang des champions de Bretagne. En ce moment même, sa lance s'inclinait pour saluer de loin Madame Reine qui lui envoya un baiser. Jeannine, la pauvre fille qui n'avait pas le droit de sourire, baissa ses yeux humides. Berthe agita son mouchoir brodé. « Voyez comme il vous regarde, belle petite !» lui dit Madame Reine par-dessus l'épaule du sire du Déron. Aubry regardait Jeannine. Un grand cliquetis de fer eut lieu à l'autre extrémité du champ clos. Berthe se retourna. « Le voilà » dit-elle encore, mais cette fois tout au fond de sa conscience et avec une muette terreur. Messire Olivier, armé de toutes pièces, mais le visage découvert, caracolait parmi les chevaliers du roi. Il s'inclina gracieusement vers Berthe, qui à son tour baissa les yeux. Jeannine regardait une chose étrange. Son père était là-bas, sur les derrières de l'escadron ducal. Jeannine reconnaissait bien son cheval et son armure, mais elle ne reconnaissait point sa malprestance. Le bon écuyer se tenait en selle mollement et sans grâce, lui, le meilleur homme de guerre, qui fut du côté gauche du Couesnon. « Messire, disait Madame Reine, au sire du Déron, son voisin, aviez-vous ouï rapporter que notre seigneur le duc eût si belle mine ?»« Non, en vérité, noble dame, répondit le riche châtelain. Madame Reine soupirant. « En ma vie, murmura-t-elle, je n'ai rencontré que deux hommes d'armes comparables à notre seigneur, le duc feu Messire Aubry, mon époux. » Et elle allait ajouter le nom de Jeannin, et ce n'était que justice, quand son regard tomba par hasard sur le bon écuyer. Elle se frotta les yeux et crut rêver. Jeannin n'était plus lui-même. On eût dit qu'un autre corps était entré dans son armure. En ce moment, Messire Aubry l'abordait. D'ordinaire, la prestance de Jeannin mettait bien bas le jouvenceau. Mais aujourd'hui, le jouvenceau faisait honte à l'homme d'armes. Ils disparurent tous deux dans les rangs. Madame Reine se dit « J'ai mal vu ». « Ami Jeannin, disait là-bas Aubry en tendant la main au bon écuyer, tu m'as abandonné durant ces deux jours, et j'ai fait bien des choses que je n'eusse point faites, peut-être, si j'avais eu tes conseils. » Jeannin toussa, Aubry le regarda mieux. « Es-tu malade ? » demanda-t-il, en se reculant sur sa selle. « J'ai soif, répondit Jeannin. « Comme ta voix est changée, ami, reprit Aubry, j'espère que tu n'entreras point en lice dans l'état où te voilà. « Nenni donc, répliqua Jeannin avec empressement. « Bien, tu feras. Je viens te demander avis. »« C'est boire que je voudrais, » interrompit l'écuyer. Jeannin était la sobriété même. Aubry pensa, « Il faut que les fièvres le brûlent pour songer à boire en un moment pareil. »« L'avis que je voulais te demander, ami, » reprit-il, « le voici. Depuis hier, par suite de circonstances que je te raconterai plus tard en détail, je me suis trouvé en rapport avec un homme qui semble posséder un pouvoir surnaturel. J'ai vu des choses qui dépassent croyance. » Jeannin bâilla dans son casque. « Pauvre ami, » fit Aubry, « je ne te vis jamais ainsi. Où diable trouverais-je à boire ?» demanda Jeannin. « Je ne sais, veux-tu que je t'envoie quérir de l'eau ? » « Fis donc. Cet homme dont je te parle, écoute-moi bien, ami, le cas est grave. Cet homme m'a témoigné de l'amitié. Il n'est pas de bonne vie et parle avec légèreté des choses saintes, mais il veut que je sois vainqueur et m'a fait remettre tout à l'heure cette lance que je tiens à la main. Cette lance est fée. « Bah !» fit Jeannin qui se mit à rire. La veille, il eût fallu bien autre chose, vraiment, pour faire rire le bon écuyer. Aubry tombait de son haut. « Penses-tu, demanda-t-il encore pourtant, que je puisse loyalement combattre avec cette lance à laquelle nul ne peut résister ?» Jeannin lui mit rondement la main sur l'épaule. « Mon petit seigneur, dit-il, entre dans cette tente et va me chercher une tasse de vin frais. Tâche qu'elle soit large, profonde et pleine. » Je te dirai ensuite mon opinion sur ta lance qui est faite. Fin de la section 6.